بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 53 dans l'explication de عقيدة السلف وأصحاب الحديث de l'imam الصابوني avec les commentaires de Cheikh ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. On était au dernier cours dans le chapitre لا يكفر أحد من المسلمين بكل ذنب. Dans le chapitre au sujet du fait que les gens de la sunna et les gens du hadith, ils ne font pas le takfir des musulmans pour des péchés qu'ils commettent. Et on a expliqué là les positions à ce sujet-là de ceux qui ont dévié comme les khawarij et les mu'tazila. Donc on va continuer avec la suite de ce qu'on avait commencé à expliquer, inshallah. Et... Le cheikh il dit maintenant wa qal wa in kharaja min ad-dunya ghayra ta'ibin minha ya'ni mata musirran 'alayha wa hadha amrun madhmum la shak li'anna al-matlub min al-mu'min an yastaqima 'ala dinillah tabaraka wa ta'ala wa an yuti'a Allah wa an yuti'a ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa an yajtaniba al-ma'asi kabiraha wa saghiraha bal idha istaqama لا يركن إلى عمله وإنما يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى ويخاف عذابه عز وجل المؤمن الصادق القوي الإيمان يعمل الأعمال الصالحة وهو يرتجف خوفا من أن الله لا يقبلها فإنه قد يكون أخل بشيء مما شرعه الله من الشروط أو الواجبات والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يقول لعلي لم أخلص في هذا العمل لعلي قصرت لعلي ولهذا شرع الاستغفار بعد كل مكتوبة وبعد كل عمل فتفرع من الصلاة وكل صلاة تستغفر الله تبارك وتعالى تفرع من الحج فتستغفر الله وتذكر الله كثيرا ومن الصيام كذلك ومن الأعمال الصالحة هذا حال المؤمن الصادق كامل الإيمان والعاصي لا شك عنده نقص في إيمانه ونقص في حيائه من الله سبحانه وتعالى ونقص في شكرانه لنعمة الله عز وجل يتفاوت هذا النقص بقدر ما يرتكبونه من الذنوب والعياذ بالله فينبغي للمؤمن أن يستحي من الله تبارك وتعالى وأن يخاف عقابه سبحانه وتعالى ودخوله النار ليس بالسهل الآن في الدنيا لو هددت بالسجن لارتدعت من الخوف ولسهرت ليالي خوفا من السجن كيف بالسجن في النار والعياذ بالله ويتفاوتون في دخولها منهم من يأتيه منهم من تأخذه إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى منتصف ساقيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتي ومنهم من تأخذ جسمه كله إلا مواطن السجود تبقى له إن كان يصلي وإذا لم يكن يصلي يمكن جسمه كله في النار وكم يبقى الله أعلم. Donc on va traduire ce passage, après on va continuer inshallah. Ici le Cheikh Rabi' hafizahullah, il mentionne donc la parole de l'imam al-Sabuni lorsqu'il dit, parce qu'on disait au dernier cours, à la fin on a expliqué que l'imam al-Sabuni, il dit que les gens de la sunna croient que le croyant, lorsqu'il commet un péché ou qu'il commet plusieurs péchés, que ce soit des petits péchés ou des grands, il ne devient pas mécréant pour cela. Et il dit ensuite, وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا غَيْرَ تَائِبٍ مِنْهَا, c'est-à-dire même s'il quitte ce bas monde, c'est-à-dire même s'il meurt sans s'être repenti de ses péchés-là, même s'il meurt sans s'être repenti de ses péchés-là, on va pas dire qu'il a quitté la foi ou qu'il a quitté hein, l'islam. Et ensuite, il explique, il dit, et ça, c'est, il n'y a pas de doute que c'est une chose qui est blâmable. C'est-à-dire le fait que quelqu'un meure alors qu'il persistait à commettre un péché et qu'il ne s'est pas repenti du péché qu'il commettait, ça, il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui est blâmable. Car ce qui est exigé de la part du croyant, c'est qu'il se mette sur la droiture hein, et qu'il soit hein, accroché fermement à la religion d'Allah et qu'il obéisse à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il s'écarte des désobéissances et des péchés, que ce soit des petits, des grands ou des petits. Hein. Et il dit même lorsque le croyant est fermement accroché à la religion et qu'il est un bon pratiquant, un bon croyant, hein, et qu'il est religieux, il ne doit pas se reposer uniquement sur ses œuvres et de dire par exemple, ça y est, moi j'ai fait les obligations, donc j'ai pas besoin d'avoir peur, j'ai pas besoin de craindre ou quoi que ce soit, puisque je suis déjà un bon musulman, un bon pratiquant. Plutôt, il devrait convoiter la miséricorde d'Allah et craindre le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et le croyant qui est sincère, quand il est fort dans sa foi, il va faire les bonnes œuvres, alors que son cœur est rempli de crainte hein, du fait que Allah Azza wa Jal risque de ne pas l'accepter, son action. Hein, parce que personne ne peut garantir hein, personne ne peut garantir que son action est acceptée. Et c'est pour ça que le cheikh, il explique, il dit, c'est possible que lorsque tu aies pratiqué l'action que tu as fait, ou que tu as fait ton obligation, c'est possible que tu as manqué une condition parmi les conditions, ou une obligation parmi les obligations qui sont reliées à cette adoration-là. Hein? Et donc, yani, tu dois donc espérer en la miséricorde d'Allah que Allah l'accepte, cette action-là. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il décrit les croyants dans le verset 60, dans Surat Al-Mu'minun, il dit, hein, ce qui signifie, et ceux qui ont donné en sadaqa, ce qu'ils ont donné, alors que leur cœur frémit, hein, leur cœur frémisse à l'idée de revenir vers leur Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est possible que ils ont donné en sadaqa, ou ils ont fait une salat, ou ils ont donné la zakat, ou bien ils ont fait le hajj, ou ils ont fait une adoration quelconque, mais ils ont eu des manquements dans cette adoration-là, ou ils n'ont pas été sincères dans cette adoration-là, et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs possibilités qui peuvent faire en sorte que l'adoration que la personne a faite ne soit pas acceptée d'Allah. Et c'est pour cette raison que Allah Azza wa Jal a légiféré, par l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de demander à Allah pardon après chaque prière obligatoire et après chaque acte d'adoration. Lorsque, par exemple, on termine la salat, première chose qu'on dit, c'est Astaghfirullah, trois fois. Hein? Et ça, c'est l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et à propos aussi à la fin du hajj, Allah Azza wa Jal, il nous a ordonné de demander pardon à Allah Azza wa Jal et de se souvenir beaucoup de lui après avoir accompli l'obligation du hajj. Et la même chose aussi lorsqu'on a complété le jeûne du ramadan hein, ou d'autres parmi les bonnes œuvres également. Donc ça, c'est l'état du croyant qui est sincère et dont la foi est complète, hein, qui est un bon croyant. Tandis que si c'est le cas du pécheur, alors dans ce cas-là, oui, c'est encore, il n'y a pas de doute que à son sujet, sa foi elle est faible. Hein? Il n'y a pas de doute que sa foi est faible et que sa gêne vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et sa pudeur vis-à-vis d'Allah, elle est faible aussi. Hein? Et de même que sa reconnaissance envers les grâces d'Allah, elle est faible. Et donc, le degré de cette faiblesse est proportionnel à la quantité ou à la catégorie de péché que cette personne-là commet. Voilà, yadou billah. Donc plus il commet des grands péchés, plus il commet plus de péchés, hein, ou une plus grande quantité de péchés, et bien plus ça, ses manquements, hein, et sa faiblesse dans ces choses-là, dans sa foi et dans sa reconnaissance, plus c'est grand, hein, plus sa faiblesse est grande. Et ensuite, le cheikh explique que le croyant doit donc être gêné, hein, de son Créateur, être gêné d'Allah. Et il doit aussi craindre son châtiment. Et il doit craindre de rentrer dans l'enfer. Parce que l'enfer, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Et il dit aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un te menace de la prison, hein, eh bien, tu serais foudroyé de peur. Peut-être que tu dormirais même pas la nuit, hein, par crainte de savoir que tu vas être emprisonné. Et ça, c'est pour la prison dans ce bas monde. Alors que dire de la prison de l'enfer, hein? Wal'iyadhu billah. Et il dit, le cheikh, que les gens, ils sont différents dans leur entrée dans l'enfer, hein? Ils n'ont pas tous le même degré ou le même châtiment, le même degré de châtiment dans l'enfer. Il dit, parmi les gens de l'enfer, il y en a qui auront le feu jusqu'aux chevilles. Il y en a d'autres qui auront le feu jusqu'à la mi-jambe, hein? Et d'autres jusqu'aux genoux. Et d'autres, eh bien, ça va brûler leur corps au complet, ou bien ça va prendre tout leur corps au complet, excepté la place de la prosternation, ou l'endroit où il y a la prosternation. Hein? Et si la personne ne priait pas, eh bien, c'est son corps au complet qui sera dans le feu. Hein? Il ne restera rien. Allah al-Musta'an. Et le cheikh, il dit, Allahu a'lam. Donc, il dit ensuite, « إِذَا كَانَ تَارِكُ الصَّلَاةِ إذا كان تارك الزكاة يبطح بقاع قرقر في يوم مقداره 50,000 سنة فكيف بتارك الصلاة وقد يبقى 50,000 سنة في النار أو أكثر هل عندك استعداد تعيش في النار لحظة فليس معنى هذا التقرير أننا نجرئ الناس على معاصي الله عز وجل إنما نرد على الخوارج وفي نفس الوقت نرد على المرجئة ونبين حكم الله في هذه القضايا ولكن يبقى عامل الخوف من الله والحياء منه قائم في نفس المؤمن. Donc ici, le cheikh, il explique que si la personne qui abandonne la zakat ou qui ne paie pas la zakat, elle est encore née par le bétail qu'elle n'a pas, ou bien elle, plutôt elle est écrasée par le terrain aussi, ou bien peu importe la richesse qu'elle avait ou l'argent, la source d'argent qu'elle avait, elle sera châtiée par cela. Dans un jour dont la durée est de 50,000 ans. Hein? Donc, si c'était du bétail qu'il n'avait pas donné en zakat, eh bien, c'est le bétail qui va lui marcher dessus. Hein? Si c'était de l'or et de l'argent, eh bien, il va être, il va être brûlé et écrasé sur des plaques de d'or et d'argent. Pendant 50,000 ans. Donc, ça, c'est le châtiment de la personne qui a délaissé la zakat sur ces choses-là. Que dire de la personne qui a délaissé la salat? Hein? C'est possible qu'elle reste 50,000 ans dans l'enfer ou plus. Est-ce que tu es prêt à vivre même un seul instant dans l'enfer? Donc le cheikh, il dit, quand on dit que le musulman qui a commis des péchés, il ne va pas aller en enfer pour l'éternité, ou bien qu'il ne va pas, plutôt on dit qu'il ne sera pas mécréant, donc c'est-à-dire on ne va pas déclarer mécréant un musulman pour des péchés qu'il a commis, et donc ça implique qu'il ne va pas être éternellement en enfer si jamais il entre en enfer. Le fait de dire ça, c'est pas pour encourager les gens, ou bien leur dire comme par exemple leur dire de allez-y, continuez à faire des péchés puisque c'est pas grave, vous allez pas être mécréant pour ça. Hein, c'est pas ça l'intention derrière. Et c'est pas pour ça que les gens de la sunna réfutent de cette façon cette chose-là. Donc c'est pas pour cette raison, pour encourager les gens à faire des péchés, qu'on leur dit que celui qui fait des péchés n'est pas mécréant. Le cheikh, il dit plutôt, notre intention derrière ça, c'est de réfuter les khawarij. Hein? De réfuter les khawarij qui font sortir de la foi les musulmans qui commettent des péchés. Hein? Parce que ça c'est dangereux comme croyance. Et c'est grave comme croyance. Et de même que on réfute en même temps les murji'a. On réfute en même temps les murji'a, puisqu'on leur on fait comprendre aux murji'a que les croyants peuvent entrer en enfer. Parce que plusieurs d'entre les murji'a ont l'idée que yani, tu ne peux pas rentrer en enfer si tu es croyant. Et ça, c'est une erreur. Hein? Et l'imam Ibn al-Qayyim, il a mentionné plein d'exemples de ça dans son livre yani Adda wa Dawa. Et on était en train d'expliquer ça dans les premiers cours. Yani, on avait parlé de ce sujet-là. Et il a mentionné de nombreux dalils à ce sujet. Naam. Donc, on réfute les khawarij et on réfute les murji'a. Et on clarifie le jugement d'Allah sur ces sujets-là et sur ces questions-là. Mais il reste par la suite, yani, l'agent de la crainte d'Allah et le fait d'avoir peur d'Allah et d'être gêné de lui désobéir. Ça, c'est quelque chose qui doit toujours rester dans le cœur du croyant. Même lorsqu'il commet des péchés, il doit continuer à craindre Allah Azza wa Jal et à être gêné hein, de lui désobéir. Et le cheikh, il dit ensuite, وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا غَيْرَ تَائِبٍ مِنْهَا وَمَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ يعني بهذا الشرط فقد يموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله وكثير من الناس يموتون على سوء الخاتمة قال الله قال صلى الله عليه وسلم فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فلا تغتر بالعمل واسأل الله حسن الخاتمة واسأل الله الثبات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك فدائما المسلم يخاف ويرجو ويخاف عقاب الله يخاف عقاب الله وغضبه ويرجو عفوه ورحمته سبحانه وتعالى وسوء الخاتمة له أسباب والعياذ بالله فقد يكون مرائيا في هذه الدنيا وقد يكون مرابيا وقد إلى آخره ومن سنة الله في خلقه أن العبد يموت على ما عاش عليه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والإنسان لا يستطيع أن يحافظ على إسلامه ويضمن نفسه ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه إذا استقام على أمر الله فإن الله يوفقه حتى يموت مسلما وإذا ارتكب من موجبات سوء الخاتمة مثل الرياء أو غيره والعياذ بالله فقد يموت كافرا. Donc ici, le cheikh, il explique, il dit que l'imam Sabouni, lorsqu'il dit que même si la personne, hein, si elle commet des péchés, ne devient pas mécréant, même si elle sort de ce bas-monde, elle quitte ce bas-monde sans se repentir de ces péchés-là, et qu'elle meurt sur le tawhid, hein, et sur al-ikhlas. Al-ikhlas, c'est-à-dire la pureté de l'adoration et de l'intention, et yani, qu'elle meurt sur le tawhid. Donc ça veut dire quoi? cette condition que le cheikh a mentionnée du fait que si la personne elle quitte ce bas monde et elle meurt sur un péché, hein, et elle meurt sur le tawhid en même temps et sur l'ikhlas, parce que c'est possible que quelqu'un, hein, meure sur autre que le tawhid et autre que sur l'ikhlas. Donc ça c'est quelque chose aussi, il faut nous, hein, il faut qu'on réfléchisse à ça. Et donc le cheikh explique que c'est possible qu'une personne meure sur une mauvaise fin, c'est-à-dire une conclusion de sa vie qui est une conclusion qui est mauvaise. Il dit, il y a beaucoup de gens, hein, ils ont une mauvaise fin, ils terminent mal leur vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit justement dans le hadith, il dit, je jure par celui qui tient, je jure par celui donc il n'y a pas d'autre divinité que lui, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté lui, que l'un d'entre vous peut faire des œuvres parmi les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste une coudée entre lui et le paradis. Hein? Il fait les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et le paradis. Et il se fait devancer par le livre, hein, par ce qui est écrit, et il commence à faire les œuvres des gens de l'enfer, et il finit par rentrer en enfer. Et il dit ensuite, et l'un d'entre vous fait les actions des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et l'enfer, et il est devancé par le livre. Et il se met à faire les œuvres des gens du paradis et il entre finalement au paradis. Donc, le cheikh, il dit, ne te laisse pas tromper par tes œuvres et demande à Allah Azza wa Jal la bonne fin et demande à Allah Azza wa Jal la fermeté. Et donc, le dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, « Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik » c'est-à-dire, « Ô toi, qui fait tourner les cœurs, raffermis nos cœurs sur ta religion. » Et donc le musulman, il est toujours dans la crainte et toujours dans l'espoir. Il craint le châtiment d'Allah ainsi que il craint le châtiment d'Allah et sa colère et il espère en sa miséricorde et en son pardon. Et la mauvaise fin, voilà, a'udhu billah, que Allah nous en préserve, eh bien la mauvaise fin, elle a des cause. C'est-à-dire que le fait d'avoir une mauvaise fin, c'est relié à des causes. C'est relié à des causes. Et que parmi les causes qui font qu'une personne puisse avoir une mauvaise fin, c'est par exemple d'être mura'i, c'est-à-dire d'être une personne qui fait des œuvres par ostentation, c'est-à-dire pour se faire voir. Hein? Et c'est possible aussi qu'une personne soit quelqu'un qui fasse des interactions avec du riba. Et il peut y avoir aussi d'autres causes également. Hein? Et parmi les exemples des règles d'Allah dans la création, il y a le fait que un serviteur, en général, il meurt sur ce qu'il a vécu. C'est-à-dire que si tu as vécu sur la piété, tu vas mourir sur la piété en général. Tandis que si tu as vécu dans le péché, dans l'égarement, ou dans le faux, ou dans un péché quelconque, eh bien en général, tu meurs sur ce péché-là. Hein? Ça, c'est une règle. Et c'est sûr qu'il y a des exceptions à cette règle, mais ça c'est une règle dans la création. Et le cheikh, il dit, comme il mentionne le verset 102 dans Surat Al-Imran, « Wa la tamutunna illa wa antum muslimun » Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, « Et ne mourrez qu'en étant musulman, qu'en étant soumis. » Donc l'être humain, il n'est pas possible de préserver son islam et de se garantir, hein, son âme, excepté par la permission d'Allah, par la miséricorde d'Allah et par la générosité d'Allah. S'il fait des efforts pour rester droit sur l'obéissance d'Allah et sur l'ordre, le commandement d'Allah, eh bien, à ce moment-là, Allah Azza wa Jal va lui donner le succès de mourir musulman, pour qu'il meure musulman. Tandis que si il fait des actes qui impliquent ou qui font en sorte que la personne mérite une mauvaise fin, comme par exemple de l'ostentation, ar-riya, de faire des œuvres pour se faire voir, ou autre chose, par exemple, autre parmi les choses de ce genre, hein, ou des péchés semblables, eh bien, par la suite, il risque, s'il persiste dans cette voie, il risquerait peut-être même de continuer à faire ces péchés-là jusqu'à ce qu'il sorte même de la foi, ou bien qu'il meure mécréant. Parce que les péchés, à force de les faire, parfois ça peut amener quelqu'un à tomber, hein, dans le coffre. Et c'est pour ça que les ulama, ils disaient ça. Al-ma'asi baridul kufr. Les péchés sont le messager de la mécréance. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Et le cheikh, il dit, wa hada al-musirru ala al-ma'asi qad yakunu 'indahu shay'un min al-'inad فيعاقبه الله بسوء الخاتمة فلا ينبغي للمسلم أن يصر على ذنب حتى يموت ليس له إطلاقا إذا ارتكب ذنبا إلا أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة والله تبارك وتعالى قد حث المؤمنين على المسارعة إلى مغفرته فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم يعني سارع إلى مغفرة الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فعلامة المؤمن الصادق الذي وعده الله بالجنة أنه إذا وقع في ذنب أنه لا يصر على الذنب ومن علامة الشقاء والعياذ بالله الإصرار على الذنوب والتمادي فيها قال الله قال رحمه الله donc on va traduire ceci puis on continuera à la suite. Ici le cheikh il explique, il dit donc celui qui persiste à faire des grands péchés ou qui persiste sur la voie des péchés, c'est possible qu'il ait une forme d'obstinement, hein, de persistance ou d'opposition dans sa désobéissance. Et donc, Allah Azza wa Jal risquerait, à cause de ça, de le punir par le fait de faire en sorte qu'il ait une mauvaise fin à cause de ça. Alors, il dit, le musulman ne doit pas persister à faire un péché jusqu'à ce qu'il meure. Et il dit, il n'a pas non plus à continuer à faire un péché une fois qu'il le fait, excepté la seule chose qu'il doit faire lorsqu'il tombe dans un péché, la seule chose qui est obligatoire pour lui ou qu'il doit faire le plus vite possible, c'est de se repentir à Allah Azza wa Jal. Et il cite le verset 8 dans Surat al-Tahrim, dans lequel Allah Azza wa Jal dit, « Ô vous qui avez cru, » il dit ce qui signifie, « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'une repentance sincère. » D'une repentance sincère. Le terme qui est employé pour dire sincère, ici c'est « nasuhan ».« Nasuhan ». Et on voit que la racine de ce mot, c'est le « nun », le « sad » et le « ha ». Et si vous faites le lien, justement, vous voyez que c'est la même racine que le mot « nasiha ». Hein? Nasuhan, nasiha. Et un nush, c'est d'être sincère et de donner le bon conseil à quelqu'un par sincérité. Hein? Donc, at-tawba, an-nasuha, c'est la repentance sincère. Et Allah Azza wa Jal, il nous appelle donc ici à nous repentir à Allah d'une repentance sincère. Et il dit ensuite, le cheikh, il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, il incite les croyants à se précipiter vers le pardon et à demander pardon à Allah le plus vite possible. Et il dit dans le verset, les versets 133 à 135 dans sourate Al-Imran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. سَارِعُوا, ça veut dire يعني courez, précipitez-vous, dépêchez-vous. Et en même temps, c'est-à-dire courez tous ensemble, les uns contre les autres, vers le pardon, comme si faites la course vers le pardon, hein, vers un pardon de votre Seigneur. Et il dit, ainsi que vers un paradis dont la grandeur dépasse les cieux et la terre, qui a été préparé pour ceux qui, yani, se préservent d'Allah, hein, qui ont at-taqwa, qui font partie des muttaqin, c'est-à-dire qui se préservent du châtiment d'Allah en faisant ce qu'il ordonne et en s'écartant de ce qu'il interdit. Ceux qui dépensent de leurs biens dans l'aisance comme dans la difficulté et qui contrôlent leur colère lorsqu'ils sont enragés, ils se contrôlent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas leur colère ils ne laissent pas la colère les amener à la transgression ou à l'excès. Al-kadhimin al-ghayz wal-afin 'anil-nas, et ceux qui pardonnent aux gens lorsque les gens leur font une injustice ou un tort. Et Allah aime les bienveillants, hein, les bienfaisants. Et il dit ainsi que ceux qui, lorsqu'ils font une turpitude ou qu'ils se font de l'injustice à eux-mêmes, se rappellent d'Allah et par conséquent se précipitent, hein, à demander pardon à Allah pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés excepté Allah? Et ils ne persistent pas dans ce qu'ils ont fait alors qu'ils savent. Ils ne persistent pas à faire le péché alors qu'ils savent. Hein? Donc le signe d'un croyant qui est sincère et qui est véridique, c'est que yani, s'il est sincère et qu'il croit sincèrement en la promesse du paradis que Allah lui a faite, lorsqu'il tombe dans un péché, il ne va pas continuer ou persister à faire ce péché-là. Hein? Il ne va pas s'entêter dans la désobéissance. Il dit que le fait de persister à faire un péché, c'est le signe du malheur. Voilà, iyadhu billah. Et le fait de s'enfoncer dans les péchés, donc ça, c'est un signe de malheur. Ensuite, le cheikh, il dit, وقال رحمه الله فإن أمره إلى الله فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب له على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار يعني هذا المصر على الذنب عند أهل السنة تحت مشيئة الله ولكن أنت يا أخي تضمن لنفسك أن تدخل الجنة حتى لو عملت الأعمال الصالحة يجب أن تعتقد أنك لن تدخل الجنة بعملك كما في الحديث لن يدخل أحدا عمله الجنة؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فكيف بالعاصي؟ فكيف بالعاصي؟ ها؟ وكيف لا يستحق دخول الجنة من يعمل ويجتهد ويعمل ويعمل بمجرد هذا العمل؟ الله عز وجل يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الجواب لأن العمل لا يكون ثمنا لدخول الجنة أبدا، ولا لورقة من الجنة، وإنما تدخل الجنة بفضل، بتفضل من الله عز وجل يتفضل به عليك، إلا برحمة من الله وفضل. فهذا العمل سبب وليس ثمنا، وفرق بين السبب وبين الثمن. فقوله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني بسبب أعمالكم. وحديث لن يدخل الجنة لن يدخل أحدا يعني أو لا يدخل الجنة أحد بعمله، أي لا تكون الجنة ثمنا لهذا العمل. فبشر من الجنة خير من فشبر من الجنة خير من الدنيا وما عليها، كما في الحديث وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. فعندما تدخل الجنة عرضها السماوات والأرض، فهل يكون هذا مقابل عملك؟ هذا من فضله سبحانه وتعالى وجوده. Donc on va traduire ce passage, après on continue inshallah. Le cheikh il dit, certes, ensuite l'imam al-Sabouni il dit, et son cas revient à Allah. C'est-à-dire que la personne qui meurt sur le péché sans s'être repenti, son cas est à Allah. Dans le sens que si Allah décide et s'il veut, il va lui pardonner ce qu'il a fait comme péché. Et il va le faire rentrer au paradis au jour de la résurrection, sans être éprouvé par le feu, hein, et sans être châtié pour ce qu'il a fait comme péché et ce qu'il a commis, hein, comme crime. Parce qu'il va lui pardonner au jour de la résurrection, il va le pardonner de ses péchés et du poids des péchés qu'il a commis. Mais s'il veut également, il peut le châtier et le punir un certain temps dans l'enfer. C'est-à-dire il va être puni dans l'enfer pour un certain temps. Mais ce n'est pas pour l'éternité, mais c'est pour un certain temps, on ne sait pas combien. Ça peut être long, ça peut être court. Hein? Et ensuite, le cheikh, il dit, ça veut dire que la personne qui persiste sur un péché, pour les gens de la sunna, elle est sous la volonté d'Allah, Azza wa Jal. Mais toi, oh mon frère, est-ce que tu es capable de garantir pour toi-même que tu vas rentrer au paradis? Il dit, même si tu faisais toutes les bonnes œuvres possibles, même si tu faisais toutes les bonnes œuvres possibles, c'est obligatoire pour toi de croire que tu ne vas pas rentrer au paradis pour tes œuvres, pour les œuvres que tu as faites. Il dit pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith qu'il n'y a personne dont les bonnes œuvres vont le faire rentrer au paradis. Personne. les bonnes œuvres. Il n'y a personne dont ces bonnes œuvres vont le faire entrer au paradis. Et les sahabas ont dit, oh messager d'Allah, même toi? Il a dit, non, même moi. Excepté si Allah me couvre de sa grâce et de sa miséricorde. Hein? Donc si c'est le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne va pas rentrer au paradis pour ses bonnes œuvres, que dire, hein? Que dire de celui qui fait des péchés et qui est pécheur et désobéissant? Et donc ici le cheikh il explique et il dit, alors comment ne mériterait-il pas d'entrer au paradis celui qui a fait des bonnes œuvres et qui a fait des efforts, hein, dans les actions et dans le bien? Hein? Pourquoi il n'entrerait pas au paradis uniquement par ses actions? Alors que Allah Azza wa Jal dit dans le verset 32 dans Surat An-Nahl, entrez dans le paradis pour ce que vous avez fait comme action. Il dit la réponse à cette question, eh bien c'est que les actions qu'on fait ne sont pas le prix de l'entrée du paradis. Hein? Et même une des feuilles du paradis, hein, vaut plus, hein, que toutes les bonnes œuvres qu'on a pu faire. Il dit, on rentre uniquement dans le paradis par la grâce d'Allah, Azza wa Jal. Hein? Et c'est une grâce de sa part qu'il nous fait, s'il nous fait rentrer au paradis. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, excepté par la grâce d'Allah, hein, ainsi que sa miséricorde. Et donc, les œuvres, hein, les bonnes œuvres, sont une cause pour entrer au paradis, mais ne sont pas le prix du paradis. Hein. Ce n'est pas la valeur, hein, qu'on doit payer pour entrer au paradis, parce que si c'était le cas, ben, nos œuvres ne seraient pas suffisantes. Hein. Et donc, il y a une grande différence, et c'est important à comprendre ça. C'est important de comprendre qu'il y a une différence entre la cause et le prix. D'accord? Et quand Allah Azza wa Jal, il dit entrez au paradis pour ce que vous avez fait comme œuvre, c'est-à-dire à cause de vos œuvres, mais non pas que les œuvres qu'on a faites sont le prix, yani, du paradis. Hein? Et ensuite, le cheikh il explique et il dit, c'est-à-dire, yani, que le paradis n'a pas les œuvres comme prix. Hein? Il y a pas, c'est pas le prix pour entrer au paradis, c'est pas tes œuvres. Il dit parce que juste, yani, un empan, la distance d'une main dans le paradis, elle vaut plus que la dunya au complet et tout ce qu'il y a dedans. Hein? Subhanallah. Donc une main, c'est quoi? Combien de centimètres? Ça dépend de la personne. Mais en moyenne, on va dire que ça va être 15 cm, 20 cm, plus ou moins. À la kulli hal, hein? On va dire 30 cm. Même si c'est plus que la distance d'une main réelle. Mais disons 30 cm. OK? La distance de 30 cm, ou si tu veux même 30 cm carrés, ça, ce 30 cm carrés de dans le paradis, il vaut plus que ce bas monde et tout ce qu'il y a dedans. Hein? Tout l'univers, les étoiles, le soleil, la lune, la terre, hein? Et tout ce qu'il y a entre les deux. Un 30 cm dans le paradis, ça vaut plus que la dunya au complet, tout l'univers qu'on voit maintenant. Hein? Donc, est-ce que tu penses que tes œuvres sont capables de payer pour ça? Hein? C'est impossible. C'est pour cette raison-là que c'est uniquement par la grâce d'Allah que tu peux rentrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'espace, hein, ou l'endroit où tu mets ton fouet, hein, où l'un d'entre vous met son fouet dans le paradis, est meilleur que la dunya et tout ce qu'il y a dedans. Hein? Et un fouet, hein, c'est pas immense quand même. Hein? Même là, si tu prends un fouet, tu l'étends là sur toute sa longueur. Hein? Même si tu vas dire que ça va faire quoi, 15, même pas, yani, peut-être 5 mètres ou 4 mètres, tu dis ça c'est mon fouet. Cette distance-là de ton fouet dans le paradis, elle est meilleure que tout ce qu'il y a dans, la, dans ce bas monde et tout ce qu'il y a dedans. Donc ça veut dire que lorsque tu vas rentrer dans le paradis, dont la grandeur est plus large que les cieux et la terre, est-ce que tu penses que c'est en échange de tes œuvres, hein? Est-ce que tes œuvres sont le prix de ça? Non. Hein? Ça c'est uniquement par la grâce d'Allah et par sa générosité. Ensuite le cheikh il dit « وَقَدْ يَتَفَضَّلَ اللَّهُ » على العاصي بالمغفرة فرحمته وسعت كل شيء ورحمة ورحم يعني قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون قال قال رحمه الله إذا كان عذبه وإذا عذبه لم يخلده فيها بل اعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار كان على المصنف أن يأتي بشيء من التخويف والترهيب لأن الجهال عندما يسمعون هذا الكلام يغترون ولا يقومون بعمل فالمؤمن يجب عليه أن يحذر ولا يجوز أن نتجرأ على الله عز وجل حتى الصغائر يا أخي استحي من الله عز وجل. Donc ici le cheikh il explique et il dit donc Allah عز وجل il va faire يعني si Allah عز وجل il fait miséricorde, et il fait de sa grâce au pécheur en lui pardonnant son péché par sa miséricorde qui a dépassé, qui a enveloppé toute chose, comme il le dit dans le verset Sourate Al-A'raf, le verset 156. Il dit ma miséricorde a enveloppé toute chose. Et il dit je vais l'écrire pour ceux qui se préservent. Qui se préservent contre moi et qui donnent la zakat et ceux qui ont cru en nos versets, ceux qui croient en nos versets. Donc c'est qui est-ce qui mérite cette miséricorde? C'est ceux qui craignent Allah, qui ont attaqwa, qui font ce qui est ordonné, qui s'écartent de ce qui est interdit et qui donnent de la zakat et qui croient en les versets d'Allah. Et l'imam As-Sabuni rahimahullah il dit ensuite: et s'il le châtie, il ne va pas le châtier éternellement en enfer, mais il va le libérer et le faire sortir de l'enfer vers les délices de la maison de l'éternité. Et il dit le cheikh ici, Cheikh Rabi' Hafidhahullah, il dit que l'auteur aurait pu ici ramener quelques textes au sujet de la crainte d'Allah, et dans le but de faire peur aux ignorants. Lorsqu'ils entendent ce genre de propos, ils se laissent tromper par le shaitan parfois et ils s'imaginent que ils peuvent délaisser les bonnes œuvres et faire des péchés et que c'est pas grave. Donc il dit le cheikh, le croyant, il est obligatoire pour lui de toujours faire attention et il n'est pas permis pour lui de désobéir à Allah Azza wa Jal, même par des petits péchés. Donc, ô mon frère, sois gêné d'Allah, sois gêné d'Allah et désobéir à Allah. Naam, donc on a complété ce passage-là, donc il nous reste un autre passage à lire parmi les explications de l'imam As-Sabuni pour terminer ce chapitre. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera la suite au prochain cours. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant,